amateur de rock progressif à ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Vous êtes à l'écoute de Rock le Neurone, une émission consacrée au rock progressif sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures-là, ben, je vous propose des nouveautés et quelques retours en arrière. Voici la liste. Là. On aura Oak de Norvège, on a Hypnosis de Pologne, on a Jaaportit de Finlande, on a Alamailman Vazarat de Finlande, Elysian Fields des États-Unis. Un petit retour en Norvège avec Prog Atom. On va avec Kansas aussi, un petit retour en arrière en 1976. On aura une nouveauté aussi de multinationale, c'est le groupe Damanek. Camel d'Angleterre, et on va conclure avec Seven Rays, une nouveauté du côté de la France. Alors on débute ça avec Oak, c'est un groupe norvégien de trois musiciens qui nous avait déjà sorti un album qui a été très apprécié en 2013, c'était Lighthouse. Alors ils nous reviennent cinq ans plus tard avec False Memory Archive. Ça c'est un album qui comprend neuf pièces qui totalise 54 minutes 56, donc 55 minutes. Et puis, comme je disais, c'est trois musiciens qui sont accompagnés avec des artistes invités, dont notamment Bjorn Riss, qu'on connaît très bien comme guitariste de Airbag. Alors, ça va occuper le premier bloc de l'émission. Et sans plus tarder, nous voici Oak. And forgive him. They took his name. that's how we feel now, incomplete. That's how we go down, obsolete. There's still dreams in my restless sleep. The way home growing dark and steep. There's still life in those dying. A clear sign that you still remember. storm smiles for all to see. She's waving your mother fur and drape around her shoulder. Cold sunshine. That's what you've been told. Drive through the end of night, the rain and the morning light. track you down. The sunshine through your hair. Alors, c'était Oak, un groupe norvégien. Et la pièce qu'on vient d'entendre, c'est The Lights. Ça a été précédé de Lost Causes. Et en début de bloc, nous avions Clair de Lune. Ça, c'est trois pièces extraites du même album, False Memory Archive, qui est sorti cette semaine. Alors, après la pause, Hypnosis de Pologne, Jaa Portit et Ella Mailman Vazarat de Finlande et Elysian Fields des États-Unis. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors là, je vous propose un petit voyage en Pologne avec un groupe qui s'appelle Hypnosis. Ça s'appelle H-I-P-G-N-O-S-I-S. C'est un groupe qui a deux albums à son actif. Le premier qui est paru en 2006 et l'autre en 2011. Il y a eu auparavant un single. On a aussi un album live dans la discographie du groupe et puis deux compilations. C'est assez surprenant, sachant qu'il y a seulement deux albums studio. Mais de toute façon, ce qu'on va entendre, c'est l'album Relusion, qui est paru en 2011, et la pièce s'intitule Dr. What. Ensuite, du côté de la Finlande, bien, il y a Jaa Portit. Ça, c'est un groupe qui a trois albums à son actif. Le premier qui est paru en 2009, Voimasuo. Alors, c'est cet album-là que je vous propose. Il y a eu deux, ça paru en 2009, puis il y a eu deux albums en 2018. Je vais les explorer un petit peu, puis probablement que je vais vous en faire passer quelques pièces d'ici l'hiver. Alors, l'album Voimasuo, et ça, c'est le premier en 2009, et la pièce, ça va être Suon Suluessa. Et l'autre groupe, Ella Mailman Vazarat. En fait, je fais une petite parenthèse ici, là, si vous voulez retracer les noms exacts de ces groupes-là, je vous invite à visiter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Alors, c'est Ella Mailman Vazarat. Eux ont cinq albums entre 2000 et 2012, six albums en fait. Et je vous propose un extrait de l'album paru en 2009, le cinquième. L'album s'intitule Hu Oro Kolko. Et la pièce, c'est, petite seconde, Luola. Et en fin de bloc, nous aurons une nouveauté du côté américain avec Elysian Fields. Et ils ont paru un album en février. L'album s'intitule Seven Wonders of the World. Et la pièce que je vous propose, c'est The Walls of Babylon. Alors, on débute ça avec Hypnosis. Thank you. Thank you. Alors, c'était Elysian Fields des États-Unis avec la pièce The Walls of Babylon. Et ça, c'est extrait de Seven Wonders of the World. C'est leur premier album. Ça, c'est paru en février 2018. Et auparavant, nous avions de Finlande, Alamailman Vazarat et la pièce Luola, tirée de l'album Huro Koko. Et auparavant, c'était Ja Portit, un autre groupe finlandais, et la pièce Suon Sulaessa. Et c'est tiré de Voice Masuo. Et en début de bloc, c'était de la Pologne, le groupe Hypnosis et Dr. Watt. Ça, c'est extrait de Relusion qui est paru en 2011. Alors, après la pause, Prog Atom de Norvège, Kansas des États-Unis et un super groupe d'Amanek, multinational. Et ça, c'est un groupe formé de Guy Manning, qui vient du groupe de Tangent, et Sean Timms, lui, qui provient de Southern Empire. Ça, c'est le groupe qu'on a entendu en premier bloc de l'émission la semaine dernière. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le troisième bloc avec une formation de la Norvège. C'est une nouveauté. En fait, le groupe existe depuis quelques années, mais l'album qui vient de paraître, c'est Spiral. Et je parle ici du groupe Prog Atom. Ils ont déjà produit un album qui s'appelait Sagittarius. Ça, c'était en 2015. Alors, ils nous reviennent 3 ans plus tard avec Spiral. Et je vous propose la pièce Homo Digitalis. Et ça va être suivi par Kansas, un groupe hyper connu aux États-Unis, 27 albums studio. Mais l'album qui est le plus prog, selon les experts et les analystes, c'est Left Overture, qui est paru en 1976. Et je vous propose la pièce épique de cet album-là, Magnum Opus. Et enfin, nous aurons Damanek qui vient de faire sortir In Flight. Qui est Damanek? Mais c'est un groupe formé de Guy Manning qui nous vient de The Tangent. Et on a Sean Timms aussi qui vient du groupe Southern Empire d'Australie. Donc, on peut qualifier ça comme étant une œuvre multinationale. Et de l'album In Flight qui vient de sortir, on aura la pièce Ragusa. Alors, on commence ça avec Prog Atom. Ignorieren.

Cause rocking and rolling, it's only howling at the moon. It's only howling at the moon. Alors ça, c'était Damanek, un groupe formé de Guy Manning, qui appartient au groupe de Tangent, et puis Sean Timms, qui lui appartient au groupe au groupe Southern Empire, qui auparavant était Unitopia d'Australie. Alors, c'était la pièce Ragusa, ça vient tout juste de sortir, et auparavant, nous avions Kansas avec la pièce Magnum Opus tirée de Left Overture. Ça, c'était paru en 1976. Et en début de bloc, une nouveauté du groupe Prog Atom et la pièce Homo Digitalis et c'est tiré de The Spiral. Alors après la pause, Camel avec un petit retour en 1979 et Seven Rise, une nouveauté de France. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission et on va y aller avec une petite touche un petit peu plus calme avec Camel. Camel qui est encore existant. Cet été, ils ont fait une tournée britannique. J'espère qu'on aura de leurs nouvelles et qu'ils viendront nous rendre visite de ce côté-ci de l'Atlantique, mais je ne connais pas le niveau de santé de M. Latimer parce qu'il y a eu une mauvaise période. En tout cas, souhaitons qu'il soit parmi nous. Bientôt. Alors, de Camel, ben moi, je vous propose, c'est comme quatrième ou cinquième, septième album. L'album s'intitule « I can see your house from here » et je vous propose la pièce « Ice ». Ça, c'est une pièce que j'avais un peu oubliée, mais grâce à Facebook, des amateurs de rock progressif font souvent des posts ou des partages, et puis j'ai cru voir que cette pièce-là était appréciée de quelques amateurs. Et nous allons conclure avec Seven Rise, ce groupe de France qui est parrainé et financé par un mécène allemand. Ils ont 4 albums depuis 2001. Le plus récent s'intitule L'Albatros, et on va entendre la pièce Brise. Alors, on débute ça avec Camel.

Yeah. Alors ça, c'était Seven Rays et la pièce Brise tirée de l'album L'Albatros. Ça, c'est le plus récent album de cette formation française. Et auparavant, nous avions Camel d'Angleterre, bien entendu, et la pièce Ice. Et c'est tiré de l'album I Can See Your House From Here. Ça, c'était en 1979. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette émission de Rock de Neurone. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez réécouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et si vous voulez y aller du côté du web, alors sachez que l'émission est disponible toute la semaine sur SoundCloud. Et les émissions archivées sont aussi disponibles. Il y en a au-dessus de 130 et elles sont disponibles sur archive.org. Alors pour arriver sur archive.org, vous vous présentez à la page Facebook de l'émission Rock de Neurone et vous allez avoir les liens qui vous sont utiles. Sur la page Facebook aussi, vous allez pouvoir y trouver le palmarès, par exemple, des 50 meilleurs albums de rock progressif québécois. J'ai aussi un palmarès de rock progressif italien. J'ai un palmarès des 50 meilleurs albums de rock progressif de tous les temps. On a aussi le top 15 des albums de 2018. Et un paquet de chroniques et de photos de spectacles avec des musiciens, en tout cas, qui ont bien voulu me prêter leur présence. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.